89.1. CKRL, Québec. Une autre émission de Web Musique. C'est Simon Roy qui est entre vos deux oreilles. On va passer la prochaine heure ensemble. Cette semaine, un spécial Toy Company. Qu'est-ce que c'est Toy Company? Ben, c'est un collectif qui vient de la ville de Montréal, un collectif qui se spécialise dans la musique 8-bit, chiptune, appelez ça comme vous voulez, musique peut-être lo-fi. Donc, c'est une bande de passionnés de musique 8-bit qui font des événements de temps en temps pour donc faire la promotion de la musique 8-bit, puis ben surtout pour se faire du fun. Des événements vraiment très courus, donc ça va se passer la semaine prochaine, donc les 10 et 11 février prochains à Montréal. Vous pouvez aller voir sur le site de Toy Company qui est à toycompany.cc ou tout simplement visiter le site de Web Musique. J'ai mis toutes sortes d'informations donc à propos de l'événement. Donc c'est ça, un événement par une bande de passionnés musique 8-bit, donc c'est ça qu'on va écouter cette semaine. On va débuter, donc, cette semaine, j'ai beaucoup d'artistes donc qui viennent de la ville de Montréal. Il y a aussi d'autres artistes qui viennent de l'extérieur. C'est un collectif, donc, avec un bon rayonnement qui réussissent toujours à attirer des artistes d'un peu partout. Donc, veux pas, c'est un peu... Donc, une grosse gang, cette gang-là, qui se passionne du 8-bit. Donc, c'est ça. Tout de suite, sans plus attendre, on va débuter avec XC3N, un artiste de Montréal. Je vous fais passer sa pièce DR011. C'est publié sur son étiquette Axer Records, qui semble pas très active, mais qui est toujours, lui, très actif. Beaucoup de musique à télécharger gratuitement, donc comme tous les artistes que je vous propose ce soir, donc c'est tout en téléchargement gratuit. Ensuite de ça, ça va être Shrimps, un duo qui vient de l'État de New York, la ville de Geneva. C'est Joe Calabrese et B. Leo, donc qui composent Shrimps. Je vous fais entendre la pièce Shrimps Shuffle tout de suite après XC3N qu'on écoute tout de suite. C'était la pièce Shrimp Shuffle par Shrimps, un duo donc nous vient de l'État de New York. Avant ça, on avait débuté Web Music avec XC3N, la pièce DR011. Donc deux pièces 8 bits, ma foi, assez intéressantes, surtout que c'est des machines vraiment ultra limitées. Donc on parle de Game Boy, Nintendo, Commodore 64, donc. C'est des machines vraiment pas faciles pour faire de la musique. Ils réussissent à faire des petits chefs-d'œuvre avec ça. On poursuit avec Xino, un artiste de la ville de Joliette. Je vous fais entendre la pièce DEA. Tout de suite après, de la France, c'est DJ Pie avec la pièce que le titre, je l'adore, c'est La chanson du niveau 1 de la forêt. Donc, on écoute ça tout de suite après Xino. Thank you. C'était la chanson du niveau 1 de la forêt par DJ Pi ou bien DJ Pi. Donc, j'en ai aucune idée c'est lequel des deux. Tout ce que je sais, c'est qu'il vient de la France et fait de la très bonne musique 8-bit. Avant ça, de Joliette, c'était Xino avec sa pièce DEA. C'est tiré de son album Cunt Rollers, donc publié sur le net label Bit Masters. Donc, ben c'est ça, vous êtes toujours à l'émission Web Musique. On fait un petit spécial Toy Company, donc un collectif qui organise des événements de musique 8-bit chiptune. Le prochain événement est les 10 et 11 février prochains à Montréal. Donc, vous rendez-vous sur le site de Toy Company pour en savoir plus. Vous pouvez aussi visiter le site de Web Musique qui est au www.webmusique.ca. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, vous allez avoir toute l'information. Vous allez pouvoir aussi télécharger les pièces entendues à l'émission. Donc, tout ce que vous entendez à l'émission, c'est des artistes qui vont se produire durant cette fin de semaine-là. On poursuit avec un artiste de Montréal du nom de Pokai. J'adore sa pièce. La pièce s'appelle Sa House. Tout de suite après, mon Dieu, je ne sais pas comment l'appeler, on va dire 3 points d'exclamation, a.k.a. QQQ. C'est lui aussi un artiste de Montréal. Je vous fais entendre sa pièce Troy Camponi. C'est tiré de la compilation. Oh mon Dieu. Compilation que le collectif Toy Company a fait. Donc la compilation s'appelle, attendez un peu. Donc Playroom Volume 1. Donc une compilation vraiment intéressante. Si vous voulez connaître un peu plus les artistes du collectif Toy Company, je vous invite à télécharger la compilation vraiment intéressante. Donc, ben c'est ça, on écoute tout de suite Pokai à Web Music. Thank you. Yeah. C'était la pièce Troy Camponi, donc par l'artiste nommé 3 points d'interrogation, ou aussi connu sous le nom de QQQ, donc un artiste montréalais, toujours de Montréal. Avant ça, c'était Pokaï avec sa pièce Sa House, donc pièce vraiment excellente. Je vous recommande de la télécharger. Tout est gratuit, donc comme téléchargement, vous n'avez pas besoin de débourser. Mais si vous avez le goût quand même, vous pouvez toujours débourser. Donc la plupart des artistes ont un Bandcamp, donc vous pouvez donner un peu d'argent pour encourager toute cette bonne musique 8 bits, donc spéciale Toy Company qui se poursuit à CKRL pour l'émission Web Music. Là, on va se diriger, toujours dans le coin de Montréal. C'est cette fois-ci Battle Lava. Je vous fais entendre sa pièce Metal Arm. C'était une pièce de Battle Lava, la pièce s'appelle Metal Arm, donc c'était sur son album Searching for Ghost que vous pouvez télécharger gratuitement. On fait une courte pause, puis Web Music vous revient tout de suite après. Vous avez l'oreille curieuse, vous recherchez des sons différents, vous avez le goût de musique déroutante, inhabituelle, déstabilisante mais pleine de sens. Écoutez la Croche-Oreille sur les ondes de CKRL, une émission en art audio et électronique animée par Myriam Lambert et Jean-Pierre Gay, présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. Tous les dimanches à 23h, la Croche-Oreille, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. Les productions Recto Verso vous convient à la 13e édition du Mois Multi. Plus de 50 artistes du Québec et de l'étranger sont attendus pour vous faire vivre des expériences inédites. Spectacles, performances multidisciplinaires, installations sonores et lumineuses, dispositifs robotiques, cabaret audio, œuvres interactives, le volet spécial Les Nuits numériques, ateliers, rencontres avec les artistes et bien plus à la coopérative Méduse du 1er au 29 février 2012. Pour découvrir les nouvelles formes artistiques issues des arts multidisciplinaires et des arts électroniques, moimulti.org. CKRL. Québec. De retour à Web Music, donc c'est le spécial Toy Company qui se poursuit. Si vous venez tout juste de vous joindre à nous, donc je fais un spécial musique 8 bits en fin de semaine prochaine, donc les 10 et 11 février prochains, c'est un événement du collectif Toy Company. Plein de bonne musique 8 bits sur deux jours, donc c'est pas souvent qu'on peut se taper un festival de musique 8 bits, là, vous pouvez vous en mettre plein la gueule. Donc, si vous êtes à Montréal ou si vous prévoyez vous déplacer, donc allez faire un tour à l'événement Toy Company. Ça vaut vraiment la peine pour en avoir vu deux. Donc, c'est toujours surprenant de voir toute cette bonne musique-là, souvent faite avec pas grand-chose. Des fois, les artistes seulement avec un Game Boy, d'autres fois, une machine plus élaborée, donc laptop. C'est toujours assez intéressant à voir live, donc je vous invite à aller faire un tour du côté de l'événement de Toy Company. On va poursuivre avec un duo de la ville de Boston, il s'agit de Bright Primate. Je vous fais entendre la pièce Mode Miasto, c'est tiré d'une trame sonore pour un jeu vidéo. Donc le jeu vidéo s'appelle Tangled, donc une trame sonore assez mollo. Vraiment méditative, donc musique vraiment intéressante. On écoute ça tout de suite à Web Music. Thank you. C'était la pièce mode Miasto, donc une pièce tirée de la trame sonore du jeu Tangled, un jeu pour iOS. Donc c'était par Bright Primate, un duo qui nous vient de la ville de Boston au Massachusetts. Pour poursuivre cette fois-ci, un autre duo de Montréal, cette fois-ci, il s'agit de Circle Triangle Square. C'est la pièce Genma Beeline, vous allez voir, assez intéressante. Ensuite de ça, ça va être un artiste du nom de Das Mortal, qui était anciennement connu sous le nom de Electro Boy. Je vous fais entendre la pièce Now. Donc, Das Mortal, c'est un artiste qui nous vient du Chili, mais qui demeure à Montréal en ce moment. Donc, on écoute tout de suite Circle Triangle Square à Web Music. Thank you. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL à l'émission Web Musique. On se tape un spécial Toy Company. Donc, on vient tout juste d'entendre l'artiste Das Mortal avec sa pièce Narbe. Donc, un artiste qui vient du Chili, mais qui demeure à Montréal. Avant ça, ben, c'était Circle, Triangle, Square avec une pièce vraiment lo-fi, vraiment crottée, comme je les aime. Donc, la pièce s'appelle Jedma Beeline, donc un duo montréalais. On poursuit avec un artiste de la ville de Toronto du nom de Deadbeat Blast, donc un des fondateurs du net label Beatmasters, donc plein de bons albums à télécharger sur Beatmasters. On va entendre la pièce Cross Vector. Thank you. de la ville de Toronto, c'était Deadbeat Blast, donc avec sa pièce Cross Vector, publiée sur son étiquette Beatmasters. Donc, plein de bonne musique sur Beatmasters si vous aimez le 8 bits. Ça va déjà être tout pour Web Music. Donc, c'était un spécial Toy Company, donc le collectif montréalais qui c'est dans la musique 8 bits. Donc, ils ont un événement assez intéressant la semaine prochaine, donc les 10 et 11 février prochains. Si vous aimez la musique 8 bits, ben allez faire un tour, vous allez voir, vous ne serez vraiment pas déçus. On va se quitter sur une dernière pièce. L'artiste s'appelle Alice Fecht. Je l'adore. Un artiste vraiment complet. Donc, il donne dans le jeu vidéo. Il a inventé son propre langage, le trauma. Il est aussi illustrateur. Donc, c'est lui qui a fait le flyer, le poster pour l'événement. Donc, vraiment talentueux. Je vous fais entendre une pièce peut-être un peu plus mollo que ce qu'on est habitué de lui d'habitude. Donc, live, c'est assez furieux comme performance. Une pièce un peu plus donc profonde, pas plus profonde, mais donc, je ne sais pas comment vous dire ça. Vous allez voir, vraiment excellente. Donc, ben, c'est ça, on va se quitter sur la pièce The Voice of Paradic Chloris in Nolk Xeren. Excusez-moi, j'ai de la difficulté à la prononcer. Donc, ben c'est ça, on se laisse sur Alice Effect pour Web Music. Maybe there is not enough time to tell the tale, or enough words to word it, like the bad drawing of a gorgeous dream that lovers attain by hand. donner rendez-vous avec la peur. Sentez vos mains se refroidir, vos cheveux se dresser, vos genoux trembler. Votre sang se glace à l'idée d'assister au spectacle Rendez-vous avec la peur. À l'Expo Théâtre de la Visitation, du 16 au 26 février, la troupe Minute présente des histoires à faire frissonner. Si vous avez le courage, réservez au 418-563-6791 ou visitez troupeminute.com. Le Continental, l'émission du matin CKRL, célèbre son premier anniversaire. Un an de petits déjeuners composés de nouvelles croustillantes et de chroniques savoureuses. Pour marquer le coup, CKRL et Le Continental vous invitent à passer par la station le 7 février entre 7h et 9h. Au menu, café, croissant et viennoiseries offerts par la boîte à pain, fier commanditaire de l'émission, sans oublier les chroniqueurs que vous aimez, tirage et franche camaraderie. Profitez de l'occasion pour devenir fan du Continental sur Facebook.